Les dépravés, chapitre 20. Le soi-disant complot de la rue Saint-Maur-Popincourt était abandonné au bout de 2 jours d'instruction, mais l'Empire faisait volontiers payer à ceux qui l'arrêtaient, sans motif, le crime de n'être pas coupable, en prolongeant le plus longtemps possible les tourments de la détention préventive. 3 semaines après que la parfaite bonne foi de Max avait été reconnue et proclamée, il était encore dans son cabanon. Il en sortait par jour une demi-heure en tout, qu'il allait passer au parloir dans un tête-à-tête gardé à vue avec Frédéric. J'ignore le nom du scélérat qui a eu le premier l'idée de la détention cellulaire, mais tant qu'on maintiendra en France cette variété de la question extraordinaire, nul n'aura le droit d'affirmer que la torture y est abolie. Les barres de fer qui brisaient les jambes de Ravaillac et de Damien ont été remplacées par l'isolement qui brise les cerveaux. Si les femmes pouvaient se rendre compte du besoin d'expansion que la cellule développe dans le cœur de l'homme, il n'en est pas une qui ne se fît un devoir de faire incarcérer son mari pendant un bon trimestre dans les solitudes de Massas. Une visite acquiert alors un prix inestimable. Le son d'une voix humaine vous tire du fond de votre crypte en vous rappelant que vous n'êtes pas totalement mort. Un mot ami lancé à travers un grillage n'est pas seulement un commencement de résurrection, c'est un commencement de liberté. Pendant 20 jours pleins, en dehors de son père, qui veut de temps en temps le rassurer sur le dénouement du procès, et à qui il n'osait avouer les véritables motifs de sa déconvenue, Max ne voyait absolument que la comtesse Pizareff. Les réticences, les chutes et les doigts sur la bouche prodigués par Frédéric n'avait pu moins faire que d'infuser à Max un violent désir de l'étudier de plus près dès que les portes de la prison s'ouvriraient devant lui. Dans ma détresse, se disait-il, chaque fois qu'il revenait de sa conversation quotidienne, j'ai encore joué de bonheur d'avoir rencontré une jolie femme pour s'occuper de moi avec cette assiduité. Si elle ne me fait pas oublier l'autre, elle met au moins quelques compresses sur les blessures dans cette misérable m'a criblé. Le prisonnier s'habitue vite à une situation, car il ressasse presque constamment la même idée. Le 11e jour de son entrée en cellule, Max connaissait si bien l'instant précis où il entendait crier dans sa galerie « Le numéro 29 au parloir !» que 5 minutes avant cet appel, il s'occupait de rectifier sa toilette, renouer sa cravate et passer un pain dans ses cheveux. Aussi fut-il sensiblement désappointé le 12e jour, qui se passa sans que le numéro 29 eût été appelé au parloir. Chacune des heures qui le séparaient du lendemain lui parut alors avoir 6 semaines. Le 13e jour, aucune nouvelle de la comtesse. Le 14e jour, continuation de l'éclipse. Au moment de l'après-midi où Frédéric avait l'habitude d'apparaître derrière ses fils de fer, Max se sentait pris dans les jambes d'une trépidation qui le poussait à se précipiter contre la porte de sa casemate et à essayer de l'enfoncer pour sortir. « Si je ne peux pas aller causer avec elle, qu'on me laisse causer avec son grillage. Ce sera toujours une distraction, » me disait-il. Le 15e jour, à l'heure habituelle, son cœur battit avec un redoublement d'énergie. « Si dans 10 minutes elle n'est pas ici, » pensa-t-il, « c'est qu'elle a assez de moi. Pour peu que je reste encore un mois dans ce sépulcre sans voir personne, me voilà frais. » Me voilà frais voulait dire pour lui que le souvenir de Geneviève allait de nouveau le hanter et lui rendre sa solitude plus affreuse, car il s'était aperçu tout récemment que lorsqu'il se la rappelait, c'était avec amertume, mais sans colère. Le coup de peigne et le nœud de cravate de Max ne furent heureusement pas perdus ce jour-là. Madame Pizareff, un peu palote, un peu traînante, revint prendre sa place dans le coffre à claire-voix qui lui servait de cadre. « Ah, enfin !» dit Max, dont sans brusquerie. « J'étais convaincu que je ne vous reverrai jamais. »« J'ai été souffrante, » répondit Frédéric. « Il me semble que j'ai bien le droit d'être souffrante. »« Vous auriez pu me le faire savoir. Voilà 3 jours que je ne vis pas. » « Monsieur Houzelot, » reprit alors d'un ton blessé la jeune visiteuse, « on pardonne beaucoup à un homme aussi maltraité par le sort que vous l'êtes. Cependant, je vous ferai observer que vous vous méprenez singulièrement sur mon compte. J'ai appris par le plus grand des hasards qu'il se tramait un complot, non contre le gouvernement, mais contre vous. J'ai cru de mon devoir de femme de vous arracher au piège d'une autre femme. On m'a assuré tout à l'heure que votre détention touchait à son terme. Le jour où vous sortirez d'ici, ma mission sera terminée. C'est uniquement pour ne pas la laisser incomplète que je consens à veiller sur vous jusqu'à votre mise en liberté. J'ai eu le tort de me donner comme votre cousine, je l'avoue. Mais si j'ai commis une inconséquence, ce n'est peut-être pas à vous à me le faire sentir. Max, sa demi-heure réglementaire écoulée, rentra dans sa cellule, fort troublé par cet amalgame de paroles sévères et douces, irritées mais généreuses. Ce sont ces alternatives de chaud et de froid qui amènent les hommes à demander merci. Dans l'état de pénurie intellectuelle et morale où se trouvait notre prisonnier, il n'était pas difficile à réduire. Le lendemain, Frédéric eut regret de ce qu'elle appela son emportement et fut presque tendre. Le surlendemain, elle reprit toute sa dignité et le jour suivant, elle reparut à l'état de mélange réfrigérant, éteignant ainsi d'un mot glacial le malheureux Max quand il arrivait tout flambant, le réconfortant d'un coup d'œil ami quand il se présentait timide et déconcerté. Le 22e jour, Frédéric vint plus tôt qu'à l'ordinaire. Monsieur Max, dit-elle, cette visite est la dernière. Je pars pour l'Italie. Vous? Quand cela? Demain, par l'express de Marseille. Depuis mon veuvage, je passe tous les hivers à Florence. Voilà l'effroi. Mon médecin m'a affirmé que si je ne quittais pas Paris avant 8 jours, je tomberais tout à fait. Nous autres Russes, nous sommes plus frileux que les Français. Max resta quoi? Il ne pouvait élever la prétention de lui voir préférer ses promenades de Bazas au séjour de Florence. Je vous quitte, mon ami, reprit la jeune femme. Je n'ai que le temps de faire mes préparatifs. Je vous verrai à Paris si je reviens, car je suis réellement bien souffrante. Quant à vous, votre situation ne peut se prolonger maintenant plus d'un jour ou deux. Quoi qu'il arrive, madame, répondit Max, redevenant cérémonieux devant la solennité de la séparation, je n'oublierai jamais avec quelle bienveillance vous avez changé pour moi, en heures d'émotions charmantes, les heures d'ennui de la prison, après avoir si courageusement tenté d'empêcher mon arrestation. Puisque ma reconnaissance est en ce moment tout ce que je puis vous offrir, croyez qu'elle vous est acquise, et que je me consolerai difficilement si je ne pouvais un jour vous la manifester. Frédéric s'inclina et sortit, laissant Max aussi ému qu'intrigué. Quelle était au juste cette femme? Quelles circonstances avaient provoqué ce plus grand des hasards, grâce auquel elle avait été mise au courant des machinations organisées contre lui et dont elle ne s'était jamais clairement expliquée? Cette conduite, à la fois pleine de réserve et de sollicitude, aggravait le crime de Geneviève et la poussait par les épaules hors du cœur de Max. Enfin, le 23e jour d'une captivité doloroso comique, c'est-à-dire le lendemain même de la dernière visite de la comtesse, il reçut celle du directeur de la maison, l'invitant à évacuer son territoire en vertu d'une ordonnance de non-lieu. À midi, il était rue Louis-le-Grand et tombé dans les bras de son père qui lui dit vivement, après les premiers épanchements, « Je savais que tu allais nous être rendu aujourd'hui ou demain. Voilà 150 louis. Il faut t'éloigner pendant 2 ou 3 mois. Ta tranquillité, la mienne, mon élection peut-être, sont à ce prix. Pars ce soir pour Londres, pour Genève, pour où tu voudras. Connais-tu les îles Baléares? Il paraît que c'est un paradis. Embarque-toi pour les îles Baléares. Je ne demande pas mieux, répondit Max. J'éprouve un violent besoin de changer d'air. Mais si je vais à Londres, d'abord, je n'y respirerai pas mieux. Ensuite, c'est pour le coup qu'à mon retour, on m'arrêtera comme agent de Mazzini. Va aux îles Baléares? Non, si tu me laisses le choix, je me déciderai probablement pour l'Italie. L'Italie? Très bien. Suis-je distrait? Je n'y pensais pas. Quand pars-tu? Demain? Pourquoi pas ce soir? Le train de Marseille est à 7h45. J'ai tout le temps de faire mes valses. Va pour 7h45. Félix te préparera ta valise. Nous dînerons à 5h30. Surtout, ne va pas te faire arrêter de nouveau d'ici là. L'air que prit le docteur en prononçant ces derniers mots fit comprendre à Max que son père n'ignorait rien du traquenard tendu par Geneviève et que, s'il n'insistait pas sur ce chapitre, c'était uniquement pour éviter de l'humilier. Mais Max, qui avait choisi l'Italie avec préméditation, arriva à la gare de Lyon 5 minutes à peine avant le départ du train. Une place restée dans le wagon coupé, il y monta et s'assit à côté d'une dame voilée qui, avec sa femme de chambre, occupait les deux autres stalles. « Comment, monsieur? C'est vous? » fit la voyageuse au comble de l'étonnement. « Eh oui, c'est moi, » dit gaiement le jeune homme, qui venait de reconnaître celle en l'honneur de qui il avait opté pour la patrie de Michel-Ange, de Rossini, de Cimarosa et de Pulcinelle. Mon père m'a donné Campo pour 2 mois au moins, 3 mois au plus, en me conseillant d'aller les passer en Italie. Vous n'auriez pas voulu m'obliger à désobéir à mon père. En effet, monsieur, c'est moi qui aurais dû vous cacher mon départ, mais j'étais si loin de supposer que vous seriez libre aujourd'hui. Car je puis vous l'avouer maintenant, je n'étais pas du tout rassuré sur le dénouement de votre arrestation. La conversation s'engagea sur les bases les plus amicales. On n'était pas arrivé à Fontainebleau que Frédéric avait raconté comment, logeant dans la même maison qu'une baronne à la Détrempe, avec laquelle Madame Geneviève s'était liée tout à coup, et passait toutes ses soirées, une lettre de la maîtresse de Max à ladite baronne était tombée dans ses mains par une erreur de distribution. Comment toutes les péripéties du drame, et jusqu'au nom du commissaire de police, qui devait intervenir au bon moment, y étaient indiquées. Comment, enfin, elle avait pris la résolution de se mettre en travers, et comment, ignorant l'adresse de Max, elle n'y avait réussi qu'à moitié. De pareilles monstruosités ne se voient qu'à Paris, avait-elle ajouté, en terminant son récit, dans lequel elle avait pris le plus grand soin de ne pas glisser le moindre blâme contre Geneviève. Max convoqua toutes les ressources de son esprit, dans le but de prouver à sa blonde comtesse qu'il n'était pas aussi profondément nié que sa facilité à se laisser empiéger lui en donnait l'air. Cependant, il n'hésita pas à la régaler d'une confession générale, depuis la prétendue tentative de suicide de sa maîtresse, jusqu'à son prétendu rendez-vous. Il y a sur Terre des créatures bien surprenantes, s'était contenté de faire remarquer Frédéric. Fin.